Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 31 mars 2023. Voici les grands titres de cette édition. Le superviseur du chantier de construction du pont sur la route Astrida dans la localité de Nyabiyorwa, en zone Mouyila, en province de Bujumbura, précisément sur le tronçon qui lie sur le réseau, a été remplacé pour manque de suivi régulier. Vous entendrez les explications du directeur général de l'agence routière du Burundi. Et les élèves ayant abandonné l'école pour le premier trimestre de l'année en cours se comptent à plus de 70 000 au niveau national. Selon la coalition Bafashevigi, parmi les causes profondes figurent le désintéressement et la pauvreté des ménages. Et le chef collinaire de Mutambara, ad intérim, a été désigné ce jeudi par l'administrateur communal de Rumonge. En actualité internationale, la Confédération africaine de football a annoncé ce jeudi 30 mars les dates de la phase finale de la CAN 2024. La Côte d'Ivoire accueillera la compétition entre le 13 janvier et le 11 février 2024. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Le directeur général de l'agence routière du Burundi affirme qu'il y a eu négligence dans le suivi du chantier de construction du pont sur la route Astrida dans la localité de Nyabiyogwa en zone Mouyila, en province de Bujumbura, précisément sur le tronçon qui lie sur le réseau. Il précise qu'après sa descente sur terrain ce jeudi, il a pris la décision de remplacer le superviseur du chantier et tranquillise que dans deux semaines, ses travaux seront achevés. Suivez le directeur général de l'ARB dans ses propos recueillis par Évariste Nzikobanyanga. Sur cette route dite route historique Astrida, il y a un pont qui était en train d'être construit. Jeudi, je me suis rendu sur terrain pour constater l'état des lieux. J'ai constaté que les travaux sont au ralenti. J'ai pris une décision de suspendre le responsable de chantier et j'ai donné deux semaines au nouveau responsable de chantier pour avoir terminé ses travaux. Sylvestre Nsanzerugeze, directeur général de l'agence routière du Burundi, qui explique aussi que le manque de matériaux de construction suite au manque de carburant pour les acheminer sur le chantier, selon les fournisseurs, et le fait que certains habitants de Guiocha aient construit leur maison là où devrait passer la route qui désengorgerait la partie nord de la capitale économique Bujumbura. Voilà les principales raisons du rythme apparemment lent des travaux de construction de cette route. Le directeur général de l'ARB tranquillise que d'ici peu, ces travaux vont continuer en bonne et due forme. Je ne dirais pas que les travaux sont au ralenti parce que dans les travaux routiers, il y a des paramètres. Pour le moment, on est en train de faire la reconstruction d'un pont. On a déjà terminé une partie de la route. Une partie de la route qui part du rond-point Iwawawanu jusqu'au pont Nyabagere. Sur un autre tronçon, il y a un problème d'expropriation. Les études qui ont été faites ont montré que la route devrait être une route deux fois deux voies, c'est-à-dire une autoroute, mais la population a construit dans l'emprise de cette route. Pour le moment, on est en train de mener des entretiens avec ceux qui ont construit dans l'emprise de la route pour pouvoir dégager afin qu'on puisse construire la route sans problème. Il n'y a pas d'autres défis d'ordre technique à part que certains fournisseurs de matériaux ont argumenté qu'ils ont un problème de carburant pour nous approvisionner en matériaux. Mais cet argument n'est pas fondé parce qu'aujourd'hui, le carburant est partout. Sylvestre Nsanzerugeze, c'est le directeur général de l'agence routière du Burundi, ARB. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Éducation, à présent, plus de 70 000 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés au niveau national pour le premier trimestre de l'année en cours, selon la coalition Bafashibige. Selon cette coalition, parmi les causes profondes figurent le désintéressement et la pauvreté des ménages. Jean Samandari, président de cette coalition, propose comme solution l'autodéveloppement des familles et la généralisation des cantines scolaires à travers le pays. On l'écoute. Au cours de cette année scolaire 2022-2023, le premier trimestre, on a observé un nombre d'enfants qui ont abandonné, qui n'est pas moindre. C'est plus de 70 000 enfants qui ont abandonné l'école durant le premier trimestre. Mais je dirais que ce n'est pas seulement au cours de ce premier trimestre, même l'année passée, même les années antérieures, il s'observe un taux supérieur d'enfants qui abandonnent l'école. C'est un des défis majeurs de notre système éducatif. Il y en a plusieurs causes. Nous avons fait des recherches auprès des parents, auprès des élèves, auprès des enseignants, auprès des éducateurs. Et la cause principale qui vient en premier lieu, c'est notamment la pauvreté au niveau des familles. Mais on a trouvé aussi d'autres causes, notamment l'échec scolaire. Il y a aussi les grossesses non désirées pour les filles. Mais aussi, il y a d'autres cas qui nous ont été révélés, notamment le désintéressement des élèves. Quand cela ne tienne, quand même, il y a des voies de solution. Nous devons nous concerter, nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions à ces défis. La première voie, au niveau du gouvernement, quand même, ils ont constaté que, comme les enfants qui n'ont pas mangé abandonnent facilement, on a instauré les cantines scolaires. Et on a constaté réellement que là où il y a les cantines scolaires, dans ces écoles, il y a peu d'abandon. Donc, c'est une des solutions déjà qui est envisagée par le gouvernement. Il y a aussi l'autodéveloppement des familles. Comme c'est la pauvreté, les familles doivent se développer, mais aussi l'administration locale, à la base, doit contribuer. Mais aussi, il y a les infrastructures que j'ai dit, donc tout le monde doit s'adonner pour l'amélioration des infrastructures. Et à cette condition-là, les enfants, surtout les bas âges, vont rester à l'école puisqu'ils étudient dans de bonnes conditions. Jean Samandari, président de la coalition Bafashibige, il vient de le dire, le gouvernement burundais projette étendre progressivement le programme des cantines scolaires. Une révélation du directeur national de ce programme qui reconnaît son apport dans la diminution du taux d'abandon scolaire. Liboire Wigirimana précise que les écoliers à nourrir dans le cadre de ces cantines scolaires s'élèvent à plus de 2,5 millions sur le territoire national. Il ajoute que les causes d'abandon scolaire sont multiples. Suivez-les. Dans les écoles où on a le programme national d'alimentation scolaire, nous observons effectivement une diminution très nette du taux d'abandon à travers les différentes écoles fondamentales et appuyées. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir peut-être voir comment étendre le programme national d'alimentation scolaire dans les écoles qui ne sont pas aujourd'hui appuyées. Mais je dois vous dire que nous saluons d'ores et déjà l'effort financier consenti par le gouvernement du Burundi qui consent un montant d'environ de 4,8 milliards de francs bouts pour pouvoir appuyer différentes écoles en distribuant des repas chauds à midi, et ce qui diminue drastiquement les taux d'abandon. Mais la vision de pouvoir étendre le programme national des cantines scolaires, c'est une vision du gouvernement de pouvoir le faire, mais le faire au prorata des moyens financiers qui sont à la disposition du gouvernement. Cela donc requiert une extension progressive, bien sûr, au prorata des moyens qui existent. Et tant qu'on n'a pas encore les moyens financiers conséquents, on ne peut pas promettre que demain, on va pouvoir couvrir tout le pays, mais la couverture universelle, c'est vraiment la vision du gouvernement. Et je crois que le gouvernement a déjà montré sa bonne volonté et on espère que les années à venir pourront connaître une couverture assez progressive des écoles qui doivent bénéficier de la cantine au profit et en faveur des enfants burundais. Mais en attendant, on doit pouvoir dire que les communautés aussi, le secteur privé et sont interpellés à pouvoir investir dans la cantine. Libouar Bigirimana, c'est le directeur national du programme des cantines scolaires. On reste dans le secteur de l'éducation pour vous parler de ce besoin urgent de bancs pupitres dans la direction communale de l'enseignement à Kirundo. Plus de 630 bancs pupitres sont nécessaires pour que les élèves puissent bien s'asseoir. Le directeur communal de l'enseignement signale qu'en moyenne, 5 élèves partagent un seul banc, ce qui handicape leur encadrement par l'enseignant de Kirundo. La correspondance d'Abraham Safari. Comme le précise le directeur communal de l'enseignement à Kirundo de Hussein Chimilimana, ils sont dans le besoin urgent des bancs pupitres. Ils comptent déjà 635 bancs pupitres dont ils ont besoin, c'est-à-dire qu'en moyenne, 5 élèves partagent un seul banc pupitre, ce qui ne permet pas aux élèves de bien suivre les enseignements, non plus l'enseignant est dans l'incapacité de bien suivre ses élèves. Cette autorité fait savoir qu'en guise de solution, certains natifs de la commune de Kirundo ont donné 234 bancs pupitres pupitres équivalent à plus de 2 millions de nos francs. Ici, 10 autres bancs pupitres ont été donnés par Jean-Paul Chimimana au lycée technique de Kirundo en guise de remerciement à l'école qu'il a fréquentée. Le directeur technique de cette école, Fabrice Ouinhuari, remercie cette personne pour ce geste et demande aux autres de faire cet acte de reconnaissance, surtout qu'ils sont dans le besoin énorme des machines ordinateurs. Il précise également que plus de 600 élèves utilise 3 machines seulement. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Le collectif des associations et ONG féminines du Burundi exhorte les jeunes filles à se concentrer sur leurs études afin de se préparer leur avenir. Un conseil donné par la chargée du projet éducation des filles pour un avenir meilleur. Madone Kanyamuneza s'est exprimée lors d'un atelier organisé sur l'accès, le maintien des filles à l'école et la participation des femmes et filles dans les instances de prise de décision dans le secteur de l'éducation. Il affirme que ces jeunes filles ont besoin du soutien des hommes pour éviter toutes sortes de distractions. L'écoute. Pour que la fille étant à l'âge scolaire doit être à l'école et que toutes les filles qui sont déjà à l'école puissent rester à l'école. Parce que c'est par l'éducation qu'on arrive à autonomiser les filles. Et quand les filles seront autonomes, ça va faciliter encore une fois leur participation dans les instances de prise de décision, que ce soit dans tous les secteurs, mais aujourd'hui on était plus centré sur le secteur de l'éducation. Alors, on a essayé de sensibiliser sur différentes thématiques, je dirais entre autres les violences basées sur le genre, les masculinités positives, pour que tout le monde, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, soit sensible par rapport à ça. Parce que les hommes doivent être aux côtés des femmes pour qu'on arrive à relever tous ces défis. Comme je vous disais, il y a la pesanteur culturelle, on est dans un système patriarcat. Alors il faut qu'il y ait un peu changement de mentalité. Madone Kanyamuneza, chargée du projet éducation des filles au collectif des associations et ONG féminines du Burundi. Je vous l'avais dit dans les titres, le chef culinaire de Mutambara Ai a été désigné par l'administrateur communal de Rumonge ce jeudi, Orizana Mariam. Jusqu'alors, chef culinaire adjoint a été désigné pour remplacer le chef culinaire retenu. Au moment où ce dernier a obtenu une liberté provisoire le soir de ce jeudi même, certains habitants de Mutambara estiment qu'il est dans son droit de reprendre immédiatement ses fonctions. Cependant, l'administrateur communal de Rumonge dit que la justice n'a pas encore tranché. Jean-Pierre Misako. Dans une correspondance adressée à Mariam Horizana, ce 30 mars 2023, Minani Augustin, administrateur communal de Rumonge, lui signifie qu'elle est désignée chef culinaire de Mutambara ad intérim. Et cela en attendant la décision du tribunal sur le cas du chef culinaire de Mutambara retenu jusque le matin de ce 30 mars 2023. La libération provisoire de Kachindi Sylvain, intervenu le soir de ce 30 mars 2023 même, entretient désormais une confusion au sein de la population de Mutambara sur celui qui dirige cette colline. Certains reconnaissent toujours Kachindi Sylvain comme chef culinaire de Mutambara, car selon eux, aucune infraction jusqu'à présent ne pèse contre Kachindi Sylvain et il n'y a même pas jusqu'à présent la décision le suspendant de ses fonctions. Pour d'autres, le chef culinaire de Mutambara SLA désigné par l'administrateur communal de Rumonge pour assurer l'intérim. Pour Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, Kashindi Sylvain devra attendre la décision finale du tribunal car, selon lui, ce chef collinaire n'a pas été jusqu'à présent acquitté. Selon certains juristes de Rumonge, le tribunal peut décider une liberté provisoire à l'issue d'une réunion en chambre de conseil afin de permettre aux prévenus de comparaître en étant libre. Mais cela ne signifie pas que le prévenu est acquitté. Il faudra attendre que l'on plaide au fond de l'affaire. Pour ce cas de Mutambara, si Kashindi perd le procès, il sera de nouveau arrêté. Mais s'il gagne le procès, il sera acquitté. Kashindi Sylvain, chef collinaire de Mutambara, était retenu 2 semaines durant, accusé d'entretenir des relations amoureuses avec une femme de son administré. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Actualité internationale. 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro, nous ouvrons la rubrique internationale de ce journal par les États-Unis. Donald Trump a été inculpé le jeudi 30 mars 2023 dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de film pornographique en 2016. Il devrait comparaître le mardi 4 avril devant la justice pénale de New York. Ce qui est essentiellement reproché à Donald Trump dans ce que l'on sait, c'est non seulement d'avoir falsifié des documents d'affaires, puisqu'il a opéré le remboursement de son avocat qui avait versé la somme à Stormy Daniels en falsifiant les comptes de l'une de ses entreprises. Et cette falsification, selon RFI, selon les procureurs de Manhattan, aurait engendré une violation des lois sur le financement des campagnes électorales aux États-Unis. Ce seraient les deux crimes, si l'on peut dire, qui lui seraient reprochés, un fait historique sans précédent pour un ancien président américain qui dénonce une persécution politique, selon nos confrères de Radio France Internationale. Et la CAF a annoncé jeudi 30 mars les dates de la phase finale de la CAN 2024. La Côte d'Ivoire accueillera la compétition entre le 13 janvier et le 11 février 2024. Le match d'ouverture et la finale auront lieu au stade Alassane Ouattara de Bimpe à Abidjan. Et ce sera la deuxième fois après 1984 que la patrie des éléphants accueillera cet événement sportif. À l'époque, c'était le Cameroun qui était sorti vainqueur de la compétition. La CAF s'attend à des fréquentations de stade record pour la 34e édition de la compétition reine du football africain. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi avec intérêt. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser au micro. Jean Bosco, nous y en a passé un très bon après-midi.